franceinter.fr. À votre écoute, coûte que coûte. Salut à tous. À votre écoute, coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana, in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Bayeux est une commune française du département du Calvados et de la région Basse-Normandie. On y dénombre pas moins, oh là là, c'est une région sportive, pas moins de 8 stades, 5 salles omnisports, 4 espaces multisports, un skatepark, un practice de golf, une piscine et 2 hôpitaux. Siège d'évêché depuis le 4e siècle et sous-préfecture du Calvados, Bayeux est célèbre pour sa pâtisserie. Sa tapisserie. Oui. Sa tapisserie aussi. J'allais y venir, je voulais juste parler avant de ces fameuses pâtisseries. On n'est pas très connu pour ça. Et si. Bonjour Audrey. Bah, non. Bonjour Philippe, docteur. Bonjour Marga. Bonjour, bonjour. Rête. Alors Audrey, est-ce que vous êtes par hasard de la famille de Audrey Toutou? Bah non. Mais ça aurait pu. Bah non. Bah tant pis, moi je suis sûre que si. Alors, qu'est-ce qui vous amène, mademoiselle Audrey? On ne voit plus la vie en rose? Ben non, ça va. Hein. Pourquoi vous dites ça? Non, mais pas vous. C'est par rapport au film sur Piaf, là, Audrey Tautou. Ça va pas, c'est pas grave. Ah non, mais c'est pas Audrey Tautou, c'est Marion Cotillard. Oui, oh, dis donc, elle aime bien avoir raison, Audrey. Hein, ouais. Ben non, c'est juste que là, j'ai raison. Oui, ben c'est bien ce qu'on dit. Non, mais je pense pas chercher à avoir raison. Oui, on va pas faire l'émission là-dessus. Vous avez raison, voilà, vous êtes contente? Non, mais je suis pas contente. On vous dit d'accord, c'est Marion Cotillard si vous voulez. C'est pas si je veux, c'est vraiment elle. Oui, c'est vraiment elle, voilà, allez, on passe le passage, le pas du sage. Mais vous pouvez vérifier sur Internet si vous voulez. Oui, et écoutez, pas maintenant, parce qu'on a une émission à faire, même si elle est difficile à avancer, mais ça, c'est le problème avec les gens un peu entêtés, on a du mal à les faire avancer. Mais comme pour tout défaut, il y a un revers à la médaille, ces gens têtus sont souvent aussi des gens très auto-centrés. Non, je crois pas du tout être quelqu'un d'auto-centré. Si vous pensiez l'être, vous ne le seriez plus. Et puis ce sont les autres qui peuvent le dire. Les autres disent quoi de vous, Audrey? Je sais pas, non, mais j'ai des défauts, mais pas celui-là, non. Oui, alors ce serait peut-être plus égoïste, alors, non? Vous faites quoi comme métier, Audrey? Un jour sur deux, je travaille au service social de la mairie de Bayeux, et puis les autres jours, je suis bénévole au Secours catholique. Allô? Allô? Oui, mais 2 secondes, hein, on réfléchit. Rome ne s'est pas fait en un jour. Alors Audrey, ça vous procure quel sentiment quand vous aidez les autres comme ça? Est-ce que c'est un sentiment de satisfaction? Bah oui, ça fait plaisir d'apporter de l'aide aux démunis. Ouais, donc c'est un petit peu égoïste hein, quand même. Hein. Vous, quand vous aidez les auditeurs, ça vous apporte de la satisfaction, non? Ah non. Non, c'est vraiment pour eux qu'on fait ça. Parfois, oui, ça fait plaisir quand on sent qu'on a été utile, mais c'est mal. De toutes les façons, il faut se méfier du plaisir, en règle générale. C'est une chose après laquelle tout le monde court à notre époque en pensant que c'est la clé du bonheur. Bah, ça y participe quand même. Hein. Et oui, ça c'est l'écueil. Attention, le plaisir est toujours très cher payé. Le bonheur acquis par la souffrance est beaucoup, beaucoup plus pérenne. Et c'est là un psychothérapeute qui vous le dit, même s'il faut quand même s'en méfier. De du bonheur. Ah bah non. Et si, pourtant. Ah bah non. Pourquoi il faudrait se méfier du bonheur? Je pense pas, moi. C'est juste qu'en tant que psychothérapeute, je connais les limites du bonheur et ses effets pervers. Ah mais c'est terrible de dire ça, le bonheur, c'est le bonheur. Voilà, c'est ça, Audrey. Le bonheur, c'est le bonheur. Ça vous va? Bah, c'est pas ça me va, c'est juste que sans pour autant avoir une vision béate et puis naïve du bonheur, on peut quand même y prétendre. Oui, d'accord. Allez. Non, mais vous voulez pas répondre. Mais on est d'accord. Donc, c'est pas possible de débattre avec vous. Si vous voulez. Non, mais c'est horrible. Mais de me renvoyer tout ça comme ça, j'ai l'impression que ce que je dis n'a aucune valeur. Mais c'est fou. On vous dit qu'on est d'accord avec vous. C'est un comble. Ben non, je sens que vous dites ça pour que j'arrête d'argumenter. Bon, écoutez, madame, si vous comprenez mieux que nous ce qu'on comprend, eh ben, vous n'avez qu'à débattre avec vous-même. C'est énervant, à la fin. Non mais si je vous appelle, c'est justement que je ne veux pas débattre toute seule et que je viens vous demander votre avis. Oui, mais si vous passez votre temps à prendre systématiquement le contre-pied de ce qu'on vous dit, c'est sûr qu'on ne va pas vous être très utile. Hein. Mais je ne prends pas le contre-pied systématiquement, je relève quand je ne suis pas d'accord. Ça recommence. Voilà, mais bon. Écoutez, résultat des courses, comme disent nos ados, à force de chercher la petite bête, il est midi 28 et on n'a pas eu le temps de régler votre problème. Si tant est que votre problème ne se situe pas dans votre égoïsme pathologique ni dans votre incapacité à considérer la parole de l'autre. Eh ben, qu'est-ce que je disais? Voilà. Bon, en même temps, je m'y attendais. En refusant de céder à sa névrose, on l'a poussé à la rupture. Eh oui, eh oui. Et de toute façon, dans la vie, il ne faut jamais, jamais, jamais céder. Ouh là là, non, jamais, jamais, jamais. Et même si on a tort, car je rappelle que c'est faire preuve de faiblesse. Hein. Eh oui. Et n'oublions pas les sages paroles d'Eschyle. Le bonheur rend aveugle. Oui, puis alors là, après, hein, pour faire la part des choses, bon courage. Hein, voilà. Alors, bon, ce n'est pas dans nos habitudes, dans votre écoute, mais nous aimerions faire passer un petit message personnel. Comme nos auditeurs fidèles doivent le savoir, cela fait maintenant 4 jours que notre fille Marie-Pierre a disparu. Ma pie, ma chérie, fais-nous au moins signe si tu nous écoutes. Oui, Mapi, nous savons par des amis que tu aurais été aperçue dans un combat de free fight derrière la gare de Montpellier. Nous sommes très inquiets. Contacte-nous, s'il te plaît, papa et maman. Merci, Yann Chouquet. Oui. Merci, Margaret. Merci, Philippe. Au revoir. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr.